directement des studios du 89 FM à Trois-Rivières. Voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 mars 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on va entendre la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est un condensé de succès, Curly Hair, comme on dit des fois. Donc, cette semaine, quelques nouvelles entrées dans ces grands succès. On va entendre du Trucco Machine, on va avoir aussi la formation canadienne Halo Trans. Mais on commence par le francophone, la 15e position est occupée par Gérald Gentil. Voici mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard, au Palmarès, c'est fou. Voilà, Gérard Gentil. Non, moi, c'est Gérald. Approchez, mon cher Gérald. Merci. Merci, c'est gentil. Non, c'est parce que moi, c'est Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. Vous connaissez Picsou? Riri, Fifi et Loulou. Mais qui c'est qui est le dernier des canards? Si je vous dis Donard, oh non. Ça fait bizarre. Oh, ça fait très bizarre. Bah, je sais, mais moi c'est pareil. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. Vous aimez le jazz? Alors vous devez connaître des chanteuses de jazz. Mais qui c'est qui est cette chanteuse de jazz noire? Si je vous dis Fitzgerald, ça fait très bizarre. Oui, ça fait bizarre. Mais moi c'est pareil, hein. Dans quel sens? G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Même des petits enfants y arrivent, hein. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. À la fin de Gérard, c'est rare. À la fin de Gérald, c'est rare. On est plus rare que les Gérards. Et c'est fréquent quand nous appelons ce soir Gérard au lieu de Gérald. Mais à la fin de Gérard, c'est rare. À la fin de Gérald, c'est rare. On est plus rare que les Gérards. Et c'est fréquent quand nous appelons ce soir Gérard au lieu de Gérald. Poulard, P-O-U-Pou, L-A-L-A-R-D-R-D. Bizarre, B-I-B-Z-A-Z-A, R-R-E-R-E. Ronald, R-O-R-O-N-A-N-A-L-D-L-D. Gérard, G-E-G-R-A-R-D-R. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. Pas Gérard. N-U-N-U-C-H-E-S. Yeah. La formation canadienne Halotrons avec la pièce Emergency Street dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Juste avant, c'était l'autre position, ben en fait la même position, la 15e, mais du côté francophone, Gérald Gentil avec Mon prénom c'est Gérald, pas Gérard, de son album Le plus grand chanteur de tout, L'étang. Vous la comprenez, L'étang. 14e position du côté anglophone, ce n'est pas une nouvelle entrée, non, elle descend de 3 places, c'était la 11e, donc la semaine dernière, 3e semaine de présence. En fait, ça a monté de tout petit coup en 11e, et là ça redescend en 14e, ça va pas bien pour Believe in the Songs from a Room, malheureusement parce que c'est une pièce extrêmement accrocheuse. Moi j'avais prédit un grand succès pour cette pièce-là, j'espère que ça va remonter dans la semaine à venir. Mais avant, du côté francophone, on s'en va entendre la nouvelle entrée de Tricot Machine, voici Roman Savon au Palmarès C'est fou 89.1 FM. C'est à mon tour là, chanter. Depuis le temps que ça tourne en rond, j'ai peut-être la solution en mettant du savon. Je trouve déjà ça moins rough, je sais que je fais les coins ronds, c'est à refaire de toute façon. On vit dans une soue à cochon, mais c'est pas pour demain, ni dans un avenir proche, que mon cœur comprendra ta raison. Moi que je clean la maison, je mets nos histoires à off. Mon ménage est foutu, autant de temps perdu. Laisse-moi balayer les larmes sur le plancher. Les choses se sont gâtées, regarde où on en est. Les assiettes sont cassées à cette heure. Pour s'en faire à croire on est bon, notre roman savon, notre édition de poche, on peut dire qu'on l'a écrit au son. On fait nos fanfarons jusqu'à ce que l'amour nous amoche. Mon ménage est détruit et le pavé reluit. Laisse-moi éponger le drame sur le plancher. Ferme donc les rideaux, ils ont eu tout un show. La scène de ménage est finie, tant pis. L'authentique son de demain. Complete us. Songs from a Room avec Believe in, la 14e position anglophone. Ça descend de 3 places, malheureusement. J'espère vraiment que ça va monter. Et juste avant, du côté francophone, c'était Tricot Machine avec leur nouvelle entrée Roman Savon de leur album éponyme. Je crois qu'on a pas mal fait le tour de l'album. Il n'en restait pas beaucoup à passer sur les palmarès. Mais bon, on adore Tricot Machine. C'est comme ça que ça se passe assez fou. Du côté des 13e positions, ben, ça monte de 2 places pour la formation mauricienne Madcaps avec leur pièce Hear My Prayer qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte tranquillement de seulement 2 places. Je prédis un grand succès pour ça aussi. Même chose pour les gigolos. J'en prédis-tu des choses qui s'avèrent pas toujours être vraies, mais quand même. Du côté francophone, c'est les gigolos. Très très bonne formation, très très bonne pièce de leur album Fantasmagorique. Voici La Guerre des Mondes au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM dans vos oreilles à Trois-Rivières. CIF.ca, partout dans le monde. Écoutez-nous partout sur la planète. La Guerre des Mondes, on dit partout dans le monde. Hein? Gigolo, ben, c'est nous autres des gigolos. Fantasmagorique, ben, c'est un bon qualificatif pour la radio. Tout fit! Madcaps avec Hear My Prayer en position numéro 13 anglophone. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière et ça monte donc de deux places. Ça vient de leur album Kiss the Lion et Madcaps, une formation de la Mauricie. Juste avant, c'était la 13e francophone qui elle aussi monte de deux places. Elle aussi était une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est les Gigolos avec La Guerre des Mondes. Les Gigolos, un groupe de Dolbo Mistassini. Belle place. On sort par-dessus nos 12e positions. Joe Jackson avec Invisible Man qui monte de deux places et Antoine Corriveau avec L'Épave qui monte aussi de deux places. On sort aussi par-dessus les 11e. Old Folks Home avec In No Way qui monte de deux. Et Téléphérique avec Lego System qui descend d'une place. On passe à nos 10e positions. Du côté anglophone, c'est Isle of Thieves avec Hollywood Cleft Lip qui est stable. Et du côté francophone, voici Monsieur Mono et une pièce qui monte d'une place. Dors, mon amour. Dors. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Dans vos oreilles. Allez. Dormez, mes petits chéris. Oh, dormez. Dors, mon amour, dors. Dors, mon amour, dors. Laisse le monde à son triste sort. Retour à Isle of Thieves 4D, Louis XIV, dans les palmarès, c'est fou. No breath for- Isle of Thieves avec Hollywood Cleft Lip, stable en 10e position anglophone, 3e semaine de présent. Juste avant, c'était Monsieur Mono avec Dors, mon amour d'or, pièce qui remonte d'une place. J'aime bien cette pièce de Monsieur Mono. Ça aussi, il y a plein de choses que je veux qu'il remonte. Je suis comme très indécis dans les palmarès, c'est fou. J'aime tout, en même temps, je déteste tout. Non, c'est pas vrai, j'adore tout. Pour vrai, je veux que du succès pour toutes ces pièces-là. Toute la gang, de façon égale. C'est comme mes enfants. C'est comme si j'élevais chacune de ces petites pièces-là. Tu sais, à chaque semaine, je les vois grandir. Des fois, je les vois rétrécir aussi. Un peu comme Mario, c'est quand il se fait pogner par une tortue. Ça arrive. N'importe quoi. On est rendu à nos positions numéro 9, qui d'ailleurs vont être nos positions vedettes de la semaine. Je vais vous en parler tantôt, mais avant ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui écoutent pas trop souvent, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 15 francophone, un top 15 anglophone. C'est vrai, c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Oui, on commence par les deux premiers. Du côté du top 10 électronique, il n'y a aucune nouvelle entrée, aucune du tout. La troisième position, en fait, tout est stable, au moins aux troisième position. On parle de Tycon avec 2AM en troisième. En deuxième, c'est Moby avec Alice Remixes. Et en première, c'est Dieform avec Back Project. Ça fait 4 semaines que c'est là. Du côté du top 10 loud, quelques nouvelles entrées. Deux. Dans la dixième, c'est Brainstorm avec Downburst. Et dans la neuvième position, eh bien, c'est Epicurean avec A Conspiracy of Design. Top 3, la troisième, descente de deux places, l'ancien numéro 1, Pagan's Mind avec God's Equation. En deuxième, ça monte de 8, The Ocean avec Precambrian. Et la première monte de 2, c'est Meshuggah avec Obzin. On fera le top 3 des disques canadiens, le top 30 des albums tantôt. Mais avant, on va entendre nos neuvièmes positions. Du côté anglophone, c'est Lois 14 avec Guild by Association. Et du côté francophone, c'est 4D avec Les Morts Vivants Siffle. Et ces deux positions-là sont les positions vedettes de la semaine! Comme on aime le dire en criant, ça fait plus chic. Regardez, tout de suite, avec Les Morts Vivants Siffle au Palmarès C'est Fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Pleine de verre et de nourriture souillée, tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux, tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches, par la fenêtre tu vises les torches. say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here where we're at. Well, there's something we must confront now. To my eyes and make me feel. You wanna make me feel. It's just guilt by association. Louis XIV avec Guilt by Association de l'album Slick Dogs and Ponies. Ça, c'est la pièce numéro 9. Oui, la position numéro 9 des palmarès du côté anglophone. C'est très, très stable. Du côté francophone, juste avant, c'était 4D avec Les morts vivants sifflent mais ne sont pas morts, qui descend de 6 positions. L'album s'appelle L'équanimité. Tantôt, on a commencé le bloc ailleurs dans les palmarès. On a parlé du top électronique et du top 10 loud. Maintenant, voici le top 3 des disques canadiens. Tout est stable. En troisième, c'est The Blue Seeds pour la deuxième semaine avec leur album éponyme. En deuxième, pour une troisième semaine, Shane Phillip avec In The Moment. Et en première, pour la 22e semaine de présence dans le top des disques canadiens, c'est Steve Hill avec Devil At My Heels, qu'on va d'ailleurs entendre un petit peu plus tard dans notre palmarès anglophone. Du côté du top 30 des albums, nouvelle entrée en 28e pour la formation The In and Outs avec leur album éponyme. En 17e, Golden Smoke avec leur album éponyme. En 16e, Hillotrons avec l'album Happymatic. D'ailleurs, Hillotrons qu'on a entendu en 15e position anglophone. Ensuite, top 3, descente d'une place pour Steve Hill avec Devil At My Heels, 24e semaine. En deuxième, l'ancien numéro 1, Horror Pops avec Kiss Kiss Kill Kill. Et le grand numéro 1 du top 30 des albums, monté de 3 places, c'est l'album éponyme de The Blue Seeds, qu'on va aussi entendre un petit peu plus tard dans l'émission, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai, et c'est une position, ma foi, plutôt enviable, comme on pourrait dire. On est rendu à nos positions numéro 8 dans les palmarès sifou. Du côté anglophone, c'est stable pour Aberrinkula de la formation de Mars Volta. Mais avant, on commence avec la pièce. Mais avant, on commence. Ça se dit, ça? Ouais, ouais. C'est Zurung, remixé par quelqu'un qu'on appelle Asirka. Oui, et voici 1980. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Sans tes déchets, Oh, l'instant Mars Volta avec Aberrinkula de leur album Bella and Goliath. C'est la 8e position anglophone, c'est stable, 6e semaine de présence. Justement, c'était Zurung avec 1981. Ça, c'est un single, un simple qu'on a reçu à la station. Ça monte d'une place. On est rendu au numéro 7, mais avant de faire le numéro 7, c'est l'heure du bloc info publicitaire de l'émission. Comme toujours, à chaque quelques semaines, on parle du numéro en cours du Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. Cette semaine, en couverture pour la période du 17 au 30 mars 2008, on parle des élections à l'AGE-UQTR parce que le DGE a démissionné. On en parle d'ailleurs en page 3. Le directeur donc Cédric Pinard a démissionné de ses fonctions de DGE le 10 mars dernier. Il est en entrevue avec le journal Zone Campus dans le numéro en cours. Il y a aussi un article sur le covoiturage qui est plus facile que jamais. Ça s'appelle, en fait, c'est le comité de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui annonçait le 11 mars dernier le lancement d'un tout nouveau service de covoiturage informatisé. Allez voir le uqtr.ca/environnement si ça vous intéresse. On parle du syndicat des professeurs qui, dans la grève, accentue ses moyens de pression. Le SPP UQTR et l'administration de l'UQTR en entrevue parlent et disent leur façon de voir les choses. L'éditorial porte sur l'université à rabais, oui. Il y a un article aussi sur la semaine multiculturelle, une section vie étudiante. La question Vox Pop cette semaine, c'est: vous sentez-vous respecté dans le conflit qui sévit présentement à l'UQTR entre le syndicat des professeurs et la direction? La chronique de Guillaume Chalette-Janson, Je vous aime moi non plus, parle de procrastinateur anonyme. Il y a un retour sur les jeux de la communication. En art et spectacle, on parle d'Antoine Corriveau avec son album Entre quatre murs. Antoine Corriveau qui est d'ailleurs dans nos palmarès ici assez fou, qui est présentement en position numéro 12. Oui, oh, c'est beau, ça monte. On parle de la Coupe universitaire d'improvisation à Rimouski. Il y a quelques brèves culturelles. Dans la section plein air, on parle de Mahican Aventure. Découvrez la région et plus encore. Université en spectacle et UQTR en spectacle. Petit retour là-dessus. En passant dans le prochain numéro, je crois qu'on parle d'université en spectacle aussi. Dans la section sport, soccer féminin et les Patriotes en demi-finale. Il y a l'élimination des Patriotes hockey. Ça, c'est malheureux. Le championnat canadien de natation universitaire avec Pascal Dufresne Pascal Anctil et... Pascal Dufresne et Pascal Anctil. Il me semblait aussi que c'était deux fois le même prénom. Donc ça, c'est dans le journal Zone Campus de l'édition du 17 au 30 mars. Je mets des articles où il n'en faut pas. Le journal Zone Campus de la semaine du 17 mars. Ça continue jusqu'au 30 mars. Il va y avoir un nouveau numéro à partir du 31 mars. Il y a ça. Oui, il y a bien 31 jours en mars. J'ai juste vérifié pour être sûr. Donc, Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR, www.zonecampus.ca si vous voulez avoir plus d'informations. Mais en gros, là, c'est disponible un peu partout sur le campus et dans différents points de chute partout à Trois-Rivières. Voilà. On est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Shane Phillip avec Good Morning. Mais tout de suite, voici une pièce du Husky. Les filles sont comme des oiseaux. Oui. Tout de suite au Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Radio Campus de Trois-Rivières, partout à Mauricie au 89.1 FM et sur Internet, dans le monde entier, sur cfou.ca. Les filles sont comme des Retour Shane Phillip, We Are Wolves et El Motor dans la deuxième heure des Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. It feels so good to wake up in the morning, catch the sun on the rise, take a walk along the shore, let your senses come alive. Good morning, be a good day. directement des studios du 89 FM à Trois-Rivières. C'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou! Bon retour, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 21 au 27 mars 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. En ce, ben, c'est vous écoutez en direct, en ce vendredi saint, vous avez peut-être remarqué, je mets la petite ligne en dessous, qu'il n'y a pas de femme en studio ce soir. Non, mais il fallait quand même le faire. Ce jeu de mots-là, j'avais pas même le choix. Hein, bon. Donc, Mathieu Plante, c'est là avec vous pour encore deux heures de condensé, de meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Là, c'est pas compliqué, c'est le meilleur de ces fous dans trois heures, dans un grand bloc avec moi à l'animation. Magnifique. Dans cette deuxième heure, on commence par les sixièmes positions. Du côté anglophone, c'est We Are Wolves avec Fight and Kiss. C'est tout à fait stable, mais juste avant, voici l'ancien numéro 1. C'est El Motor avec Dea del Ceso. Petite chute de 5 places, hein? C'est dommage pour El Motor. Neuvième semaine de présence, par contre, c'est toujours bon. Écoutez les palmarès, c'est faux, 89 FM, dans vos oreilles. We Are Wolves, nous sommes loups avec leur album Total Magique. Très chic, ça, très chic. We Are Wolves, nous sommes loups avec leur album Total Magic et la pièce Fight and Kiss. La position numéro 6 anglophone, c'est stable. Quatrième semaine de présence. Juste avant, c'était numéro 6 francophone, El Motor, avec Dea del Sesso, l'ancien numéro 1. Donc, on comprend qu'on a un nouveau numéro 1 du côté francophone. Du côté anglophone, on n'a pas encore entendu notre ancien numéro 1. Donc, ça reste dans le top 5 au moins. Hein? Ça n'a pas trop changé. On est rendu aux positions numéro 5. Mais avant d'aller aux positions numéro 5, regardons un petit peu les CD qui ont été les plus vendus pour la semaine du 16 mars au Canada. Donc, c'est selon Nielsen SoundScan. On descend pour aller voir quelques nouvelles entrées. J'en cherche. En 74e, Harry Mangs avec Live at the Glenn Gould Studio. Ensuite, on monte en 15e pour retrouver Rick Ross avec Trilla. Uh-huh. En 10e, Sarah Sleen avec Baroness. J'imagine que c'est comme ça qu'on le prononce, je sais pas. En 5e position, c'est stable, Simple Plan avec leur album éponyme. En 4e, Snoop Dogg avec Ego Trippin' est une nouvelle entrée. En 3e, Oh que je suis fier du Canada, Nos lendemains de Isabelle Boulay. En 2e, Thriller, 25th Anniversary Edition de Michael Jackson monte de 2 places. Et en 1e, c'est stable, Jack Johnson avec Sleep Through the Static. Rien qui jouerait assez fou dans le top 5, malheureusement. Je regarde des choses qu'on pourrait jouer, là. Je descends, je cherche vraiment quelque chose qu'on pourrait jouer. Peut-être du Cillian Caller avec Bring Me Your Love en 14e position. Peut-être du Feist en 17e, ça pourrait arriver. On pourrait peut-être entendre... pas grand-chose, en fait. Vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est le top des CD les plus vendus au Canada la semaine dernière. Position numéro 5 de nos palmarès, c'est fou, des choses qui sont, ma foi, plutôt underground, mais très, très, très bonnes. Du côté anglophone, c'est Plants and Animals avec Good Friend qui monte de 2 places. Mais tout de suite, voici Gatineau avec Rap Maudit. Je vous rappelle que d'ici la fin de l'émission, on va balayer le plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Dans ma tête, je cherche. On va voir ce qui se passe cette semaine à Vidéo-Ladon la question. On va entendre un sketch de l'émission d'humour extrême animé par Luc Saint-Onge et Mathieu. Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Faut dire les noms à l'endroit dans la vie. Aussi, vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour avoir tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Il va y avoir entre autres les liens du plancher et les pièces qu'on va jouer un petit peu plus tard avec Ton Ladon la chanson. Si ça commence environ une demi-heure avant la fin de l'émission, où on écoute, dans le fond, mon palmarès à moi. Des pièces que j'aime, des choses qui ont déjà été sur les palmarès de ces fous, des choses qui devraient peut-être l'être un jour. Par exemple, j'ai devant moi le nouveau CD de Los Campesinos, qu'on va écouter dans Écoutons la chanson plus tard ce soir. Qu'on va écouter dans Écoutons la chanson, c'est pas toujours facile à dire. Donc, vous écoutez les palmarès, c'est fou, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir jusqu'à 20h les vendredis soirs, parce que oui, on est en direct les vendredis soirs de 17h à 20h. Venez cogner à la porte, non. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Pas me déranger. Et aussi, on rappelle, les mercredis à partir de 15h, voici Gatineau et Rap Maudit tout de suite dans les palmarès. C'est fou au 89.1 FM. Je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Votre entrage, je vis à mon boulevard étage. Pour que le public, ben que je monte. Saigner pour le poème, limité pour le thème. Beau et c'est l'intime. Vite autant le fond que la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement faux, je l'embrasse. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour pause aussi brutale. Je laisse sortir, je le ravale. Je retiens-tu le flow? Je m'en joue sérieux. Ouh, carnaval. J'ai su libre, cours au mot qui est dans mon âme. Des balles. La lit la littérature. Qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites, c'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des va-violents d'envergure, au fur et à mesure j'essuie la suite sur ma figure. Enfin l'ampe de jus qui s'agite, que par ma flamme l'endemnée que la flamme elle ressuscite. voir, me voir dans le miroir, dans l'encre noire, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, amène mon écritoire, avec mon répertoire, et la valade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ça soit, c'est beau, MC Baruté, oh, j'attends le poème signifiant. Certifiant mon talent tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils tout en défiant. T'as ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne un peu moins de source d'angoisse. J'ai tendu des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardonne pour fixer forêt pour mon éboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vestis. Mes textes existent, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je les chante avec tant d'intensité. C'est un portail d'informations sur votre radio. Les actualités luthériennes et les spectacles à voir absolument. CIFU.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. CIFU.ca, c'est le site de radio universitaire le plus visité de la francophonie. CIFU.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. CIFU.ca, c'est tout ça. Une présentation d'Infotech Internet. I'm prepared. on my back eyes. It takes a good friend, so you've got your head up your end. It takes a good friend to meet you in the park in the dark. An enemy to help you get out of bed. It takes your lover to leave you and feel the Plants and Animals avec Good Friend, la cinquième position anglophone qui monte de deux places. Et juste avant, c'était la cinquième francophone, Gatineau avec Rap Maudit qui monte de deux places aussi. Ces pièces se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment. Quatrième position du côté anglophone, c'est Horror Pops avec Tama and Louise, l'ancien numéro 2. Mais juste avant, on s'en va entendre Saveur Marmelade et Bombe au Clan. Vous voyez, les choses vont très très bien. On avance tranquillement, pas vite, vers nos grands numéros 1. Qui seront-ils? Très bonne question. La semaine dernière, si vous n'étiez pas avec nous, les numéros 1 étaient du côté anglophone. Steve Hill avec Even et du côté francophone, eh ben, c'était El Motor avec Dea Del Sesso. On a appris tantôt que Dea Del Sesso est rendu en 6e position, donc ce n'est plus le numéro 1. Non, non, il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour savoir qui sont ces grands numéros 1. Tout de suite, voici Saveur Marmelade et Bombe au Clore. Ben, c'est fou. Si ça te dit, gardera le fin. Ça sera samedi. Si ça te dit. Quand je suis seul, la plupart du temps, c'est le printemps, c'est le printemps. Quand je suis seul, la plupart du temps, c'est le printemps, c'est le printemps. Est brumeuse, signe que je crasse. Pour pousser la réplique, la tête oblique. Quand je suis seul, la plupart du temps, c'est le printemps, c'est le printemps. Quand je suis seul, la plupart du temps. This is a fun town, this is a fun town. Ajouter multicolore à mes quatre temps. La conclusion trésor, un désir d'éclat. La plupart du temps, c'est le fun town, c'est le fun town. Quand je suis seul, la plupart du temps, c'est le fun town, c'est le fun town. best friend and I, I wink and give her a smile. Hey, pointed shades, wind on my face, I light a cigarette. Engine is roaring and roads are steaming, hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be put. We're just gonna drive, skies fly high, no direction, just like Thelma and Louise. Fears left behind, goes on a ride, no cage, just like Thelma and Louise. Music's playing loud, we're singing along, my best friend and I. Nothing is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Pops avec Thelma and Louise, la position numéro 4 anglophone, l'ancien numéro 2, ça fait déjà 7 semaines que c'est là, et je m'étonne pas de l'entendre, c'est toujours très très bon. Juste avant, c'était Saveur Marmelade avec Bombe au Chlore, qui elle monte de 2 places, 4e semaine de présence. C'est un simple qu'on a reçu de leur part, Saveur Marmelade. Déjà les numéros 3, oui, déjà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'ici la fin de l'émission? On va balayer le plancher, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides, mais avant... Je crois que c'est pas mal l'heure. Vous savez quoi? Tu sais, je regarde l'heure, là, tout le temps. Je suis tout le temps en train de regarder l'heure. Et puis là, je me dis, mais quand est-ce qu'on va savoir ce qui s'en vient? Avidons à don la question. Et là, ben, je pense que c'est l'heure. Donc, attention, préparez-vous. C'est l'heure de voir ce qui se passe cette semaine. Avidons à don la question. Nous sommes au milieu de l'océan Pacifique. Un énorme volcan de 26 km de diamètre a été découvert tout récemment par trois célèbres volcanologues, Dr. Cole, Dr. Onhiri et Dr. Tab. Ils ont choisi de baptiser ce volcan de leurs trois noms de famille. Le colon irritable compte plus d'une centaine de lacs méromictiques. Contenus dans les parois du colon irritable, les eaux de ces lacs sont profondes et emprisonnent une quantité incroyable de gaz carbonique dissous. Il ne suffirait que d'une grave secousse sismique pour que tout ce CO2 soit éjecté et se disperse dans l'atmosphère. T'es sûr, man, que c'est une bonne idée de construire des condos sur un volcan? Eh oui! Regarde le beau paysage, les beaux lacs. Écoute, ça va se vendre comme des petits pains chauds ici. Puis check, touche, l'eau est chaude en plus. Ouais, c'est vrai. OK, les gars, go! On peut dynamiter! Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Y a des bulles qui sortent du lac! Et voilà! Les changements climatiques se sont produits! Aujourd'hui, Vidons la don la question vous offre une émission en direct du réchauffement de la planète! Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Lise Laprise. Suite au dégazage du colon Ritab, un immense volcan situé au milieu du Pacifique, les changements climatiques ont finalement eu lieu. La Terre n'est plus en train de se réchauffer, elle est réchauffée. Nos envoyés spéciaux sont aux quatre coins du globe pour suivre de près les répercussions de ces catastrophiques événements. Tout d'abord, en direct des changements climatiques, nous avons Paul Provencher au Pôle Nord. Bonjour, Paul. Bonjour, Lise. Comment est la situation là-bas? Ben, écoutez, Lise, c'est affreux. Ça fond en gros blocs. C'est pas mélange, j'ai deux pieds dans le gadou, là. Dirigeons-nous maintenant vers le Sri Lanka pour y retrouver Constance Bourdouin. Bonjour, Constance. Bonjour, Lise. Constance, le Sri Lanka, de par sa position géographique, était une cible de premier choix pour être victime des réchauffements climatiques. Dans quel état se trouve le Sri Lanka? Bien, il se trouve dans un bien piteux état, Lise. L'eau monte à vue d'œil, j'en ai jusqu'à la cheville. Merci, Constance. Retrouvons Guy à la circulation. Guy? Oui, donc je suis au-dessus de l'autoroute 20 et ça continue de rouler. Lise, les gens s'en foutent. Et maintenant, nous allons rejoindre André, qui est chez ses parents aux États-Unis. André, que se passe-t-il? Oui, Lise, je suis chez mes parents. Écoutez, c'est gênant. Ils veulent pas changer leurs habitudes. Regardez ça. La laveuse, le séchoir, le lave-vaisselle, la balayeuse, l'ordinateur, le micro-ondes, puis trois vibrateurs qui fonctionnent en même temps. Mais faites de quoi, André? Oui, tout de suite, Lise. Attendez. Est-ce que vous avez tout éteindu, André? On dirait qu'il reste encore un bruit. Oui, c'est les trois vibrateurs. Je trouve pas les pitons pour les arrêter. André, oui, on doit se quitter. On m'annonce qu'on a reçu des nouvelles informations du Sri Lanka. Constance. L'eau a encore monté, Lise. J'en ai jusqu'au mollet maintenant. Merci, Constance. Gardez-nous au courant. Allons jeter un œil au Yukon maintenant. Louise, qu'est-ce qui arrive avec le Yukon? Écoutez, Lise, avec cette montée de chaleur fulgurante, la culture du Yukon est devenue méconnaissable. Les gens ici dansent sur de la musique hawaïenne tout en se tissant des petits chapeaux en feuilles de palmier séchées. C'est absolument incroyable. C'est le monde à l'envers. Vous avez vu juste Lise. Maintenant, on va retrouver Marie-France qu'on a dépêchée d'urgence dans un CHSLD pour constater la détresse. Lise! Les vieux ont chaud, pas d'allure. Écoutez, les spleen, ils ont chaud, pas d'allure, tu sais. Qu'arrivera-t-il de nos enfants? Il est trop tard pour servir et boire. On ne peut plus revenir en arrière. Il ne nous reste que la prière. Vidons la question. Voilà, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine édition de l'émission humoristique extrême Vidons la question, diffusée à C'est fou les mercredis à midi, les vendredis à 9h et les samedis à midi. Ici, C'est fou, 89.1 FM, la seule station en Mauricie à diffuser Vidons la question. On est rendu aux positions numéro 3 de nos palmarès C'est fou du côté anglophone. Voici Aiden avec Infield and Town, précédé de Jean-Philippe, et je vais prendre mon char au palmarès C'est fou, 89.1 FM. Des forcenés. mess around, this uptight town. Emptiness just laying us down. But we think of leaving out of the rush, into the slow, the clouds let go, the sun and show, the city lights took off the clothes. And like spokes in a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn, with no sense of what's right. Take it easy, it's what we need to do right now. Cool and breezy, not the words I'd use for how. I see us around this uptight town, the electronics swing us down. Like spokes in a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn, with no sense of what's right. Aiden avec la pièce In Field and Town en position numéro 3 anglophone. Ça monte de 2 places. Et juste avant, c'était Jean-Philippe avec Je veux prendre mon char. On est rendu presque au sommet, comme ça, à la fin de la deuxième heure. Il nous en reste une troisième. Il va y avoir du Écoutons la don, la chanson ce soir. On va s'écouter des Burn Tunes, dont du Jack J. Marinovich. Et un connaisseur de Jack J. Marinovich, bof, pas vraiment, mais quand même. Monsieur Kiwan qui est avec moi. Ouais, je suis Jack J. Marinovich chantologue. En fait. Oh! Ben, hey, quel honneur d'avoir un Jack J. Marinovich chantologue. Ouais. C'est comment t'as dit ça? Surtout, c'est un hasard que je sois là ce soir en même temps que t'as hésité d'en passer à écouter la voix de la chanson. Tu sais, le hasard fait bien les choses. Ça pouvait pas mieux tomber. Non. Et toi qui es un fan de Vidon Ladon la question qu'on a entendu tantôt aussi, savais-tu ça que Vidon Ladon la question ont un site web? Ben non, vas-y, parle-moi-en donc. Vidonladon.com. Très bonne place pour aller entendre des sketchs. De ceux qui ont aimé ça tantôt et qui n'ont pas envie d'attendre la rediffusion là, ou une de nos diffusions, c'est fou. Vidonladon, sans le C.com. Ou ceux qui ont peur de l'écouter là, aux heures trop de bonheur, je sais pas. Si vous avez des enfants, peut-être vous dites non, je vais pas écouter ça chez nous, c'est trop hard. Ben écoutez-le la nuit sur Internet. Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont peur d'entendre le mot colon irritable. Ouais, entre autres. Entre autres, ça fait peur. Ben je pensais plus à l'émission de la semaine passée. Là, était, Titi Fuck. Cross-cuisse. La cross-cuisse. C'est féminin, la cross. Ouais, c'est vrai, mais c'est un excellent moyen de contraception, en fait. Tout à fait. Ah, il fallait être là pour ça, mais je pense que le sketch est sur le site, de toute façon. Donc, Palmarès, c'est fou, 89.1 FM, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Voilà. C'est presque un slogan, ça. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on pourrait en trouver un meilleur, en fait, parce que je vois ça, là. Condensé de ce que c'est fou. Ouais, d'ici la prochaine intervention. On s'en va entendre au numéro 2 du côté anglophone, c'est Steve Hill avec Even, l'ancien numéro 1, mais avant... Du côté francophone, c'est Tout est automatisé de Petit Big. Oui, Petit Big. Drôle de nom. Ouais, et leur album est aussi bizarre. Go le ciel. Go le ciel, voilà. Bizarre. Pas mal, c'est fou, 89.1 FM dans vos... Les oreilles. Oui. Je veux vivre dans un monde palpable. Sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Mais tout ce qu'on se classe. Vous pouvez formuler une plainte officielle aux représentants des services à la clientèle. En fait, on est à l'abri de tout. On dirait qu'il y a une espèce de sphère qui couvre tout le monde. Le représentant des services When à la clientèle. When you've wasted years like days gone by, how and why gets hard to know. When your days turn to nights and your light goes out, when you're losing sight of what life's all about, when you're that low, you don't get high, you get even. When you're that low, when you're that your eyes when the sun starts to shine to make your cloudy day go away. When there's nothing left to lose and not a friend in sight, when you're falling down left with nothing right, people look different when they're looking. When the sun starts to shine, but will your cloudy day ever go away? 'Cause it can, and it could, and it should, and it's good, good, good, good, good. Oh, I'll do it again, won't you? Make it good, good, good. avec la pièce Even, numéro 2 anglophone. Ça, c'était le numéro 1 la semaine dernière, si vous vous souvenez, si vous étiez là. Juste avant, du côté francophone, on a entendu Petit Big avec Tout est automatisé, l'album Go le ciel. Ça, c'est l'ancien numéro 4, ça monte de 2, donc plus 2. Plus 2. Je sais compter. Ça, ouais, c'est un bon score, ça, plus 2. Oui, oui, oui, c'est ça, en point d'expérience dans un jeu de rôle quelconque. Ouais. Tu gagnes quelque chose, un trophée, une étoile. J'imagine, ouais. Sûrement. Un petit étampe avec ouais. Un petit bonhomme sourire dessus. Un étoile. C'est ça, un étoile, oui, tout à fait. Bon, donc, numéro 1, c'est ce qu'il nous reste à faire, mais avant, retour en arrière, flashback, si j'avais un effet de genre de machine à voyager dans le temps, on reviendrait aux positions numéro 12 qu'on a sauté tantôt. Donc, du côté anglophone, on va l'entendre Joe Jackson avec Invisible Man qui monte de deux places, mais avant. Avant, on va écouter L'épave de Antoine Corriveau, un petit gars de Trois-Rivières. Ben oui, il est fin en plus! Pendant assez fou, 89 fois. Je suis une épave. Prévisions locales sont une présentation de Vitres d'Auto, Thibault. Ah non, arrête pas, c'est bon pour passer à Météo Média, là. T'as raison, c'est bien trop bon, la toune de Météo Média. Ben oui, elle est trop bonne. On dirait qu'elle a changé une fois par année, par exemple. Ouais, mais tellement bonne, pourquoi la changer? Ah, ben tiens, tu viens de me boucher le bec. Voilà. Invisible Man, peut-être qu'il devrait être invisible de la buccalement. Ouais, il devrait plutôt être muet plus qu'invisible. Oh. Jackson. Ah, c'est pas fin. C'est vraiment méchant, ça, ah, qui va. Excuse, je viens dans le palmarès, puis je fais mon arrogant, excuse-moi. Là. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Invisible Man, hein, ça c'est de l'homme Joe Jackson, ça vient de son album Rain, c'est en 12e position, ça monte de 2 places. Pourquoi 12e? Parce qu'on a reculé en arrière, dans le temps. Avec un effet sonore vraiment hallucinant. Je vais la refaire. Ah, c'était efficace. Hein, pas si pire. Numéro 12 francophone qu'on a entendu juste avant, c'était? C'était l'épave de Antoine Corbeau. Tout à fait. On est rendu à nos numéros 11 parce qu'on est toujours dans le flashback passé, rétro, la voûte, peu importe. Du côté anglophone, c'est Old Folks Home avec In No Way qui monte de 2 places. Et du côté francophone, c'est Lego System de Téléphérique. Tout de suite, dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. La rue

they should be pleased with what they get. But keep a clear, a strong head. The flies are moving swiftly and the parents can care less. Cooper on TV. I cut you scared of everyone, I cut you as a machine. Your kids off to a war while we'll drink champagne. Better when we're done, better when we're done, better when we're done, better when we're done, better when we're done, better. It's over now. What? Come on. Numéro 11 anglophone, ça c'était Old Folks Home avec la pièce In No Way qui monte de deux places. Puis juste avant ça, ben avant la pub en fait, avant la pub c'était Téléphérique avec Ego System, position numéro 11 francophone. J'aime bien Téléphérique moi, je trouve ça oui, très bien. C'est vraiment bon Téléphérique, j'avoue. C'est génial. Leur album en passant, pour ceux que ça intéresse, s'appelle Le Fil Conducteur. Ouais. On est rendu à nos numéros 1, là, parce que là, ça, c'était les numéros 11, parce qu'on faisait un petit retour en arrière. Les numéros 1, c'est l'heure de les couronner. On ne les mentionne pas. On ne dit jamais c'est quoi les numéros 1, mais on fait toujours des jeux de mots. Veux-tu m'aider, ça? Okay. Ben, vas-y donc. OK, je vais en faire un. Premièrement, le jeu de mots facile. Ouais, hein? Ouais. Je sais pas ce que tu vas dire, mais j'imagine si c'est facile, là, ouais. Tu sais, le poisson sent pas mauvais. Non, c'est pas ça. Ça, c'était pas facile du tout. Premier rang est au premier rang. Ouais, là c'était même trop direct, je pense. Ouais. T'aurais pu te forcer. J'aurais pu dire que le roi est le roi du palmarès aussi. Oh, ça aurait été vraiment bon. Ou encore, j'aurais pu dire du côté anglophone que qu'on a planté une graine il y a quelques semaines. Oh. Oui. Et là, elle a monté. Oui, parce qu'il fait chaud à Barcelone. Genre, au hasard, une place, mettons, comme ça. Puis on pourrait dire aussi qu'on a les blues, parce que l'émission est presque finie. On parle de la partie palmarès, c'est fou. On pourrait dire encore que le poisson a tapé sa graine puis qu'il est devenu bleu. Ou on pourrait tout simplement se contenter de passer les pièces puis arrêter nos jeux de mots vraiment pauvres. Je pense que c'est vraiment beaucoup mieux comme ça, oui. Voilà. Avant de... je sais pas. Avant qu'on commence à puer comme un poisson, dans le fond. Ben ouais. Puis qu'on se retrouve au dernier rang. Ouais, parce que le studio, il est petit quand même. C'est minuscule ici, hein. Faut voir ça. Palmarès, c'est fou, 89.1. FM. Thank you. c'est la riposte. Et Molotov est de la partie. Le caoutchouc se mitraille et les cocktails sont servis. Un refoulement humain jusqu'au cœur des ruelles. La manifestation pacifique n'est qu'une guerre éternelle. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Retourne au premier, retourne au premier, retourne au premier. Ah oui, Mario, pas une étoile, Mario, cours, Mario, fonce dans les Goomba, Mario, ça c'est carapace de tortue, Mario. Ça ne dure jamais assez longtemps. 30 secondes, l'étoile, enfant. Ah, pas tant que ça. Pareil. Pareil. Mais tellement bon. Le roi poisson. Tout à fait. Hey, t'as dit le nom du numéro 1, fallait garder ça secret. Numéro 1. Yeah. C'était efficace? Ouais. Puis ça a repoussé, j'imagine? Ben ouais, ça a repoussé. C'est ça. On en parlera tantôt. Fin des palmarès, c'est fou. Petit résumé des positions. 5 à 1 de chaque côté. Je vais m'occuper du côté anglophone. En 5e, on remonte de 2 avec Good Friend de Plants and Animals. En 4e, ça descend de 2 pour Thelma & Louise de la formation Horror Pops. En 3e, plus 2 pour Aiden avec Infield and Town. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Even de Steve Hill. Et le numéro 1 est plus 3, Barcelona de la formation de Blue Sea, ce qu'on vient juste d'entendre. Et du côté francophone, la position numéro 5, c'était une remontée de 2 positions pour Gatineau et Rap Maudit. Une remontée de 2 positions également pour Savoir Marmelade avec la pièce Bombe au chlore. La position numéro 3, Jean-Philippe, Je veux prendre mon char. La position numéro 2, c'était une autre remontée de 2 places pour Petit Big et Tout est automatisé. Et la position numéro 1, Le Roi Poisson avec Premier Rang qui joue dans les premières positions là, depuis quelques semaines déjà. C'est vrai, ça fait numéro 1 il y a 2 semaines, c'est descendu au numéro 2, là ça remonte, c'est rare que ça arrive ça. Voilà, ça se tient au top, tu sais, Le Roi Poisson, là, tu vois, c'est ça leur position. Tu es en train de dire que le poisson est en train de prendre de l'air en haut de la rivière, genre... Hey, t'es vraiment rempli de jeux de mots de pêche, là. Ouais, c'est douteux, je sais pas où je pêche ça, ces affaires-là. Mais attends, arrête, Mathieu, arrête. Il va falloir qu'on se dépêche, par exemple, pour aller à la pub, pour avoir une demi-heure dès que t'on l'annonce la chanson. C'est assez, s'il te plaît, arrête. Est-ce que tu veux un fil à pêche pour te suicider, quelque chose du genre? Oh, quel crapet! Ça, Mathieu, plante. Pub et ensuite on revient avec la dernière demi-heure des palmarès. C'est fou, on présente Écoutons la dans la chanson avec des pièces que j'apprécie bien et que peut-être que tu apprécieras aussi, Kiwan. Ben j'espère. Reste avec nous, les palmarès c'est fou continuent dans 2 minutes à peine. Dans 27 minutes, après les palmarès, c'est fou. Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour, bienvenue à Écoutons la donc la chanson, la deuxième partie des palmarès c'est fou où je vous présente avec la personne qui coanime avec moi, c'est la roue chanceuse à chaque semaine. Cette semaine, c'est Kiwan. De la bonne musique. Oui. On va entendre des choses vraiment très, très bonnes ce soir, dans cette dernière demi-heure. On va entendre la formation locale Madcaps. On va entendre un artiste de l'UQTR, Johan Stromer. On va sûrement entendre du Pete Moss et peut-être même du Damien Robitaille. Oh, Damien Robitaille. Mais on commence par Los Campesinos, une formation qu'on a découvert il y a quelques années dans les palmarès c'est fou. Ils avaient une pièce qui a duré quelques temps pendant l'été, je crois. Et là, ils sont de retour avec un nouvel album qui s'appelle Hold On Now, Youngster. On va l'écouter, la pièce Death to Los Campesinos. C'est nouveau. Oui, tout frais dans vos oreilles. Écoutons la don, la chanson. Beware, a sign on the door suggests I'm better off with artificial intelligence. suis le porqué, porqué, porqué, pic. Une bête ben sympa, sympa, sympathique. Quand y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Attention les vilains, les venimeux. Je vais vous piquer avec ma queue. Quand y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Un rongeur radical, passif et passionné, herbivore héroïque, animal animé. J'ai la flamme aux yeux et le dos dangereux. La curiosité pique quand on voit le porqué, porqué, porqué, porqué, porqué pique. Une bête ben sympa, sympa, sympathique. Quand y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Parfois les chiens chasseurs se ruinent les babines. Ils essaient de manger ma salade aux épines. Les loups et les grizzlies, coyotes, cougars aussi. Tous les prédateurs paniquent quand ils sentent le porqué, porqué, porqué, porqué, porqué, porqué. Sympa, sympa, sympathique. Quand y'a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Attention les vilains, les venimeux, je vais vous piquer avec ma queue. Quand y'a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Damien Robitaille et la pièce Porky Pig de l'album L'Homme qui me ressemble. Écoutons là dans la chanson. Juste avant, c'était la nouveauté de Los Campesinos. Leur album s'appelle Hold On Now, Youngster, et la pièce s'appelait Death to Los Campesinos avec un point d'exclamation dans le nom du groupe. C'est vrai, ouais, ça? Ouais, faut le dire en s'exclamant, donc. Los Campesinos! Ouais, c'est ça. Assez d'émotion? Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. D'accord. Prochain bloc, ça va être Jack G. Marinovitch, parce qu'on a encore en studio notre Jack G. Marinovitchologue. Ouais, c'est ça. Kiwan, ouais, l'animateur de la dernière porte à gauche. Ouais, c'est un lourd titre à porter quand même, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Et humilité. Oui, tellement. Bon, on commence par une pièce de Pete Moss avec l'album Live Dirty. Et voici tout de suite Groove Baby. Et juste après, là, je le promets, il y a des gens qui l'attendent. On va balayer le plancher tous ensemble. Yes. C'est tellement le fun de faire ça, un petit peu de ménage. Groove Baby, Groove Baby! Écoutons la donc, la chanson! baby, groove, baby. Laissez tomber. Probablement quelle est cette cible substantielle. Non, ce n'est pas toi qui en est Nagano, qui se partage l'honneur de la bombe. Ouh, à tous les jours sont formés des centaines comme moi, et vous pensez peut-être vous en échapper. Décidément, avec le titre de colonel, faisons de nous les plus hauts dans les arrêts, dans la tête de tous les animaux. Jacques G. Marinovitch avec la pièce Objectif primaire de l'album Cactus Cola Canapé. Juste avant, c'était Pete Moss avec une pièce de l'album Live Dirty ou Live Dirty qui s'appelle Groove Baby. Dans le prochain bloc, on va l'entendre Johan Stromer et Madcaps pour terminer l'émission. Mais avant, Kiwan, oui? As-tu envie de parler de gens stupides qui font des choses stupides? Ben certainement. Voici le plancher! Woo-hoo! On commence notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides par un Irlandais, propriétaire du château de la Garde dans le Bordelais. Il a assuré son nez pour 5 millions d'euros ou 7,8 millions de dollars canadiens, selon le plus grand marché mondial de l'assurance spécialisée Lloyd's. Et Ija Gort, qui produit les vins tulipes, a expliqué que son nez était ce qu'il comptait de plus précieux dans sa profession. Un bon odorat est essentiel afin de garantir la qualité constante du vin, a-t-il ajouté. Le viticulteur a expliqué avoir préféré assurer son appendice nasal plutôt que ses papilles gustatives, car tandis que la langue n'a que 5 zones gustatives, le nez peut faire la distinction entre des millions de différentes odeurs. Le nez et l'odorat d'un viticulteur sont aussi importants que les doigts d'un chef, a estimé Jonathan Thomas, souscripteur en chef pour le syndicat Watkins, qui a co-assuré le nez avec Allianz Nederland, filiale néerlandaise de l'allemand Allianz. Un gars de vin qui a fait assurer son nez. Ouais. On continue. Un habitant de Pennsylvanie dans le nord-est des États-Unis qui a tenté de dévaliser une banque, mais il n'est pas parvenu à ses fins car l'établissement était fermé. Selon les forces de l'ordre, l'homme est arrivé à la Citizens and Northern Bank dans la localité de Liberty en attendant une vingtaine de minutes dans sa voiture. Peu après midi, il a tenté de pénétrer dans l'établissement, le visage dissimulé sous un masque de ski et armé d'un fusil. Mais il a trouvé porte close, la succursale fermant à midi le jeudi, ce qui a contrecarré ses plans. L'homme a pris la fuite, mais les employés de la banque ont relevé sa plaque d'immatriculation. Le suspect de 28 ans a été arrêté. Ah, il n'y a pas assez d'heures de service dans les banques, on le dit tout le temps. TD Canada Trust, c'est là qu'il faut aller si vous voulez voler. C'est les meilleures heures d'ouverture. Non, mais si tu veux faire un vol de banque, va donc sur Internet voir leurs heures d'ouverture. Ouais, c'est un minimum. Et on termine par un jeune homme qui a volé un camion garé sur le bord d'une route dans le nord de la Pologne uniquement pour aller s'acheter un hamburger à quelques kilomètres. Selon la police locale, le chauffeur du camion transportait des pièces métalliques pour meubles et il est sorti de son véhicule en laissant les clés. Sébastien Kay, pris d'une envie de hamburger en vente dans une station d'essence voisine, en a profité. Mais le voleur de 24 ans n'avait pas l'habitude de conduire des camions, contrairement à Kiwan. quand même. Au bout de quelques kilomètres, le véhicule s'est embourbé. Alerté par le chauffeur, la police a rapidement appréhendé le jeune homme alors qu'il tentait avec des habitants d'un village voisin équipé de pelles et de tracteurs de sortir le camion de la boue. L'homme qui avait 2 grammes d'alcool par litre dans le sang risque une peine de jusqu'à 5 ans de prison pour ce vol. Non, mais c'est tellement le fun de manger un hamburger dans un camion. Je le comprends tellement. Là. Hey, dormir et manger dans un camion. Ben, en étant sous en plus. Tu sais, hein, il manque rien que la drogue. Ben, puis écoutez, c'est fou. Hein? Le savon? Puis là, vraiment, ouais, on est un être comblé, finalement. Voici tout de suite Madcap, c'est une pièce de leur album Higher. De leur album High, voici Higher, tout de suite. Écoutons l'adon! La chanson! Yes! Fallait pas l'oublier. You're taking over my mind. Like a thief in the shadows, you've robbed me blind. You could have left me something that I could hold on to. I see beat as a me child. It all belongs to you. You take me higher up where it's brighter. And ponder upon this mystery. Some power you possess that you have over me. It's not for me to question who or what we are. Whatever fate has given is taking us so far. True desire. You Une ampliation du front, ce serait une quoi? Front. Comme un homme tronc serait un homme front, en fond, je crois. Ouais. On pourra se renseigner là, auprès d'un médecin comment on appelle l'opération qui consiste à l'amputation du front. Ben oui, ben parce qu'on parlait hors d'onde de sections du corps qu'on pourrait se faire amputer ou qu'on pourrait se faire assurer, ouais, comme le gars tantôt avec son nez, le viticulteur. Ouais. T'avais pensé à quelque chose, toi? Ouais, ben tu sais, outre, mettons, les lutteurs qui se font assurer leurs aisselles parce qu'ils sont quand même bien en vue. Sinon, je sais pas, peut-être un joueur de quilles professionnel pourrait faire assurer ses fesses parce que tu es dans son saut moulant de joueur de quilles. Ou parce qu'ils sont tous gros, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ils ont beaucoup à assurer. C'est ça. OK, donc c'est la fin d'écouter la dernière chanson. Il reste une pièce de Johann Strohmayr, mais avant ça, parlons un petit peu avec Kiwan qui s'en vient avec son émission La dernière porte à gauche. Oui, La dernière porte à gauche aujourd'hui. Encore plein de nouveautés. Il y a plein d'albums qui sortent prochainement. Il y en a qui sont sortis cette semaine, la semaine passée. Il y a Danny Placard, entre autres, qu'on a reçu cette semaine. Pas Chic Chic, on l'a reçu ici la semaine passée, mais ça sort le 1er avril. 1er avril, ça va être une grosse journée, Mathieu, pour les sorties d'albums. Là. Bonjour Brumaire, Carquois, Pas Chic Chic, ça va être malade. Un printemps vraiment fou. Ben voyons donc, c'est bon d'être vivant à ce moment-ci. Ben c'est certain. Faites-vous assurer votre personne au complet. Ouais, faites assurer vos oreilles si vous êtes des auditeurs de C'est Fou parce que vous allez en avoir besoin. La dernière porte à gauche, c'est les vendredis soirs à 20h en rediffusion. Les jeudis à 13h et samedi à 16h. Bon, soyez là pour ça, comme toujours. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis à 11h et mardi à 9h. Et dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, la toute première fois en même temps que vous, les vendredis matin à 10h. On rappelle les samedis et mardis à 13h. Nous, ben, les palmarès, c'est fou, écoutons la dernière chanson. On est en direct le vendredi soir de 17h à 20h. On rappelle les mercredis après-midi de 15h à 18h. Si vous suivez le vendredi, bon, la dernière porte à gauche, on l'a dit. Mais le mercredi, c'est Frédéric Lévesque-Saint-Don qui s'en vient avec l'émission de Faits insolites et de musique. Ça s'appelle L'Assaut. Ça commence donc à 18h. De la part de Kiwan et de Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Oui. Bonne journée et bonne chance. Voilà. Bye. Bye, Kiwan. Bonne émission. Merci. Fais attention à tes genoux, là. C'est sûr. Fais l'assurer. Oui. On se fait sur une pièce de l'étudiant de l'UQTR, Johann Strohmayr. Son album est éponyme et voici Western Exotic. À C'est Fou 89.fr. Bonne soirée.